Le printemps sera précoce, Anémone se fait mal aux pieds, la France a battu l'Écosse, on est là pour informer. Sheila attend un enfant, on vous l'a dit les premiers, 3000 morts au Pakistan, une page de publicité. Coule, coule, robinet d'eau tiède, fais glou-glou dans mon lavabo. Comme dirait l'ami Alfred, ça remplace bien la radio. Mousse, mousse, savon, savonnette, toi qui laisses la peau douce et lisse, fais comme toutes ces chansonnettes qui dérangent pas la police. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, reviens-moi, surtout ne t'en va pas. J'aime la mousse de foie suprême, c'est la crème de tous mes repas. Premier, le 2, allez France. Deuxième, le 3, la Villette. Troisième, Paul VI qui devance Madame Claude d'une courte tête. Coule, coule, robinet d'eau tienne, fais glou-glou dans mon lavabo. Comme dirait l'ami Alfred, ça remplace bien la radio. Mousse, mousse, savon, savonnette, toi qui laisses la peau douce et lisse, fais comme toutes ces chansonnettes qui dérangent pas la police. Cheveux secs ou cheveux gras, flop résout tous vos problèmes. Promotion sur les tartes à la crème, voici l'heure de notre grand débat. Pour ou contre le mariage, vous pouvez téléphoner. Vous êtes contre, ah c'est dommage, le standard est saturé. Coule, coule, robinet d'eau tiède, fais glou-glou dans mon lavabo. Comme dirait l'ami Alfred, ça remplace bien la radio. Mousse, mousse, savon, savonnette, toi qui laisses la peau douce et lisse, fais comme toutes ces chansonnettes qui dérangent pas la police. Encore une histoire d'otage, c'est le fils d'un architecte. Écoutez ce témoignage, parlez, vous êtes en direct. D'après nos derniers sondages, 37% des Français préfèrent la poire au fromage. L'émission est terminée. Coule, coule, robinet d'eau tiède, fais glou-glou dans mon lavabo. Comme dirait l'ami Alfred, ça remplace bien la radio. Mousse, mousse, savon, savonnette, toi qui laisses la peau douce et lisse, fais comme toutes ces chansonnettes qui dérangent pas la police.